Il y a 100 000 façons de tuer la liberté. On commence par enfermer les enfants dans des placards. Et on finit par verrouiller des peuples et des territoires. Ne tuez pas, ne tuez pas, ne tuez pas la liberté. Que j'aime, elle est fragile et belle. Touchez pas ses cheveux, touchez pas sa lumière. Oui, messieurs les assassins, vous me trouverez toujours au milieu du chemin. Des bourreaux en long manteau, aux sales gueules anonymes, des censeurs et des ciseaux qui sanctionnent et qui suppriment. Et ne tuez pas, ne tuez pas, ne tuez pas la liberté. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, non. Ils vont la tuer. Pour moi, c'est l'air que je respire, c'est la mer, c'est le ciel, et c'est le cri des oiseaux, c'est vivre dans la rue, traverser les frontières, dire non quand j'ai envie, et dire oui quand je le veux. On commence par crucifier un homme sur une planche de bois. Et l'on finit par couper toutes les têtes qui dépassent. Ne tuez pas, ne tuez pas, ne tuez pas la liberté. Faire de belles phrases, tout ce que j'ai à dire tient en très peu de mots. Au milieu du chemin, oui, je veux que l'on me trouve pour défendre à main nue la liberté. Ne tuez pas la liberté.